بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Imam Al-Sabouni dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith avec le charh du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et on est donc, comme j'ai dit au début, on est au cours 28. Et puis, on est toujours dans le chapitre au sujet de Istiwa Allah ala Arshihi. Istiwa Allah ala Arshihi. C'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, ça, c'est le sujet du chapitre. Sauf qu'on a mentionné plusieurs points par rapport à tout ce qu'on a expliqué depuis le début, et on continue à propos des questions de l'istiwa avec les paroles des salafs au sujet de l'istiwa. Et donc, pourquoi c'est important de mentionner les paroles des salafs dans la question de la aqida? C'est que, en fait, c'est pour établir la preuve, mais pas pour établir la preuve de la tribu elle-même. Hein, parce que la preuve de la tribu elle-même, elle se trouve dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc la preuve de la tribu, elle est dans le Coran et dans la Sunna. Et quand on l'affirme, eh bien, on l'affirme en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Mais pourquoi on cite les paroles des salafs? Et pourquoi on a besoin de rajouter les explications et les citations des salafs? Eh bien, une des raisons pourquoi on mentionne la parole des salafs, c'est pour établir la preuve de la compréhension de ces attributs-là. Dans le sens que on réfute, en utilisant ces citations-là, on réfute l'idée que prétendent les gens de Bid'a qui sont venus après et qui ont déformé le sens de ces attributs. Donc, ils prétendent que ces attributs-là n'ont pas la signification dans le sens apparent de ce qui est mentionné dans les textes. Donc, le fait de ramener les paroles des salafs, eh bien, ça réfute ces gens-là. Et ça clarifie que le sens qui est mentionné dans les textes, c'est exactement ce que les salafs ont affirmé. Et qu'il n'y a pas de tashbih dans ça. Il n'y a pas le fait de faire ressembler Allah à sa création dans le fait d'affirmer ses attributs tels qu'ils sont, et qu'il n'y a pas non plus également le fait d'essayer de connaître le comment des attributs et de leur description. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais en ce qui concerne la signification des attributs, ça, on l'affirme et on le connaît, et on affirme qu'il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on mentionne les paroles des salafs. Quand on regarde les paroles des sahaba, les paroles des tabi'in, les paroles des tabi'in, les paroles des imams, des imams d'Ahlus Sunnah à travers les siècles, depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui, on voit que tous les imams et tous les ulamas et tous les grands savants de la sunna, ils ont tous été unanimes et d'accord sur ces principes-là. Et ceux qui ont contredit ou qui ont dévié cette compréhension-là, eh bien, c'est des gens qui sont venus plus tard et qui ont contredit le consensus des ulamas sur ces questions-là. Donc, c'est ça l'importance donc de connaître les paroles des salafs et de les rapporter et de les enseigner aux gens pour qu'ils puissent être convaincus et avoir la certitude sur ces questions-là. Au dernier cours, on a terminé en expliquant expliquait les paroles de Cheikh Rabi' sur les questions qu'on a mentionnées par rapport à la parole de l'imam al-Shafi'i, les paroles de l'imam al-Shafi'i sur ces questions-là. Et le cheikh, il donnait un conseil général par rapport à la situation en est de l'attitude de certains par rapport à ces textes-là. Donc, il mentionnait l'importance de s'accrocher et de rester ferme au livre d'Allah et à la Sunna. Et ensuite, le Cheikh il dit: وَهُنَا فِي قَضِيَةِ الْخِلَافَاتِ الْفِقْهِيَةِ الْأَحْنَفُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَيْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ والشافعي وجمهور المسلمين يرون أنه لا يجزئ في الكفارة كفارة اليمين والظهار وقتل النفس إلا الرقبة المؤمنة واحتج الشافعي بهذا الحديث ومن حججه القرآن الكريم يعني وقد ذكرنا لكم هذا في الدرس الماضي وخلاصته أن الرقبة جاءت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ وفي كفارة الأيمان والظهار جاءت مطلقة فالجمهور ومنهم الشافعي رحمه الله يحملون النصوص المطلقة على النصوص المقيدة وهذه قاعدة عظيمة ليست في هذا الباب فقط بل في كل الأبواب وهي أنه إذا جاء نص خاص ونص عام أو نص مطلق وآخر مقيد فيعني وأوهم التعارض والاختلاف مثلا فإنه يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فهذه القاعدة طبقها الجمهور هنا فحملوا الرقبة المطلقة على الرقبة المقيدة يعني بالإيمان واحتجوا بهذا الحديث حديث الجاري وقد سبق حيث سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت يعني رسول الله أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة اعترفت بعلو الله سبحانه وتعالى واعترفت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا عند علماء الأمة يسمى بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام الظاهرة فإذا رأينا إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي فنحن لنا الظاهر وقد يكون منافقا لأن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتوارثون مع المسلمين وإلى آخره وهم كفار أشد من الكفار المتظاهرين بكفرهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وإن كان ظاهرهم الإسلام فنحن نتعامل معهم بحسب الظاهر يعني لا نقتلهم ولا نستبيح دماءهم ولا يعني نحرمهم من ولا نحرمهم من الميراث بل يتوارثون مع المسلمين ويتزوجون من نسائهم ويزوجونهم بناء على ظاهر إسلامهم هذا فنتعامل معهم بالظاهر ولكن يعني bon on va expliquer cette partie après on expliquera la suite Cheikh il explique il dit en ce qui concerne la question يعني qu'on a mentionné dans les cours précédents au sujet de يعني le fait d'expier un esclave on a mentionné que les ulama ils ont une divergence sur la question de l'esclave qui doit être libéré pour certains péchés ou certains crimes qui ont été faits ou certaines fautes qui sont faites. Et donc, le cheikh explique que, en ce qui concerne les ahnaf, c'est-à-dire le madhhab al-hanafi, et les ulama du madhhab al-hanafi, eux, ils considèrent que lorsqu'il y a une kafara, une expiation, eh bien, tu peux libérer n'importe quel esclave pour que tu sois pardonné ou pour que ton péché soit expié. Pour que ta faute soit effacée. C'est-à-dire que si cet esclave est croyant ou non-croyant, yani les deux, ça va être valable d'expier l'esclave qui est croyant ou non-croyant. Dans les deux cas, ça va être accepté et ta faute va être expiée. Toutefois, la position de l'imam Shafi'i et de la majorité des musulmans et des ulama, eux, ils considèrent plutôt que dans les questions qui ont rapport avec les expiations, comme par exemple lorsque quelqu'un a fait un serment ou qu'il a juré de quelque chose, ou bien et qu'il a brisé son serment par la suite, n'a pas respecté son serment. Ou bien, par exemple, la personne qui a fait al-zihar, hein, il a comparé le dos de sa femme à sa mère, par exemple. Il dit, tu es le dos, comme le dos de ton dos, tu es comme le dos de ma mère, par exemple. Ça, c'était une formule que les Arabes utilisaient dans la Jahiliyyah et ça a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mujadala. Et donc, il y a l'expiation d'un esclave qui est prescrit dans le cas de ces choses-là. Sauf qu'il n'y a pas mention du fait que l'esclave en question doit être un croyant ou non. C'est pas spécifié par rapport à ces choses-là. C'est seulement dit de libérer un esclave, un esclave quelconque, sans spécifier est-ce que c'est un croyant ou non. Tandis que dans d'autres exemples et dans d'autres cas, par rapport à l'expiation pour la kafara, pour que on puisse libérer un esclave, comme par exemple le meurtre, que ce soit le meurtre prémédité ou le meurtre, par exemple, non prémédité, ou bien sinon l'homicide non volontaire, si on veut. Et bien, dans ce cas-là, c'est mentionné que l'esclave doit être un esclave croyant, hein, qui doit être libéré. Et donc, c'est pour ça que le cheikh ici, il explique que les ulama qui ont jugé dans cette question-là, ils ont jugé en se basant sur l'ordre que Allah a mentionné par rapport justement dans les cas de meurtre involontaire ou homicide involontaire. Ils ont dit, puisque dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il faut libérer un esclave qui est croyant, alors dans ce cas-là, on va prendre les versets et les questions qui mentionnent le sens général, c'est-à-dire le fait de libérer un esclave quelconque sans mentionner qu'il est croyant ou non croyant, eh bien on va appliquer le sens spécifique de l'ordre qui a été mentionné pour l'homicide involontaire, c'est-à-dire de libérer un esclave qui est croyant. On l'applique également pour les versets qui mentionnent de libérer un esclave quelconque sens qui est pas où c'est pas spécifié que ça doit être un esclave croyant. Donc ils prennent le sens qui est spécifique et restreint de l'esclave croyant et ils l'appliquent aux versets qui sont généraux et qui ne mentionnent pas cette clause, hein, ou cette condition de la foi pour l'esclave. Donc ça c'est un principe que les ulama utilisent et on retrouve l'explication des détails de cette question-là dans les livres de Usul al-Fiqh, hein, quand c'est question d'une règle. C'est une des règles dans la religion. Hein? C'est une des règles dans la religion. Lorsque les ulama ils jugent de certains sujets, ils prennent ce qui est général et ils le ramènent à ce qui est spécifique pour le restreindre ou pour le limiter. Ou bien ils prennent ce qui est non restreint pour le ramener à ce qui est restreint pour le limiter. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils trouvent, par exemple, des textes qui donnent l'impression d'une opposition, d'une contradiction, d'une divergence quelconque, eh bien, ils utilisent ce genre de principe. Ils prennent ce qui est général et ils le ramènent à ce qui est spécifique. Ils prennent ce qui est non restreint, ils le ramènent à ce qui est restreint. D'accord? Donc, ça, c'est un principe ici qui est appliqué dans ce cas-là. Et le cheikh, il explique donc que la majorité des ulama, y compris l'imam al-Shafi'i, ils ont donc pris le texte, hein, ou le fait de libérer un esclave qui est général dans ces questions-là, ils l'ont rattaché au verset qui est spécifique et restreint pour dire qu'il faut que l'esclave qu'on libère soit croyant. S'il n'est pas croyant, ça ne va pas être compté comme une expiation. Et la preuve qu'ils ont ramenée pour justifier cette position-là et pour supporter cet argument-là, eh bien, ils ont ramené le hadith de la fille esclave de Muawiyah ibn al-Hakam qui avait été frappée. Hein? C'est-à-dire Muawiyah ibn al-Hakam a frappé cette esclave, cette jeune fille. Et donc, pour se faire pardonner par Allah d'avoir agi de cette manière, hein, et de l'avoir frappée parce qu'elle avait laissé échapper un de ses moutons, hein, qui a été mangé par un loup à cause de sa négligence. Donc pour se racheter, hein, pour se faire pardonner du fait d'avoir frappé son esclave, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, est-ce que je la libère ou non? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il a voulu tester sa foi? Il a voulu tester sa foi. Alors il lui a posé la question, où est Allah? Hein? Et elle a répondu, dans les cieux. Et ça, c'est la preuve qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala et elle connaît le tawhid. Elle sait que son Seigneur est au-dessus de la création, au-dessus des cieux, et non pas yani, les divinités des mouchriquines que les kuffars adorent en dehors d'Allah, hein, et ainsi de suite. Et quand on lui a posé la question, ensuite, la deuxième question qu'il lui a posée, et qui suis-je? Elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Alors il a dit, libère-la, c'est une croyante. Et donc, elle a reconnu, hein, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, et elle a reconnu le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un messager. Donc, il dit, le Cheikh Rabi' hafidhahullah, que pour les ulama de la Ummah, ça c'est ce que on appelle la foi apparente, sur laquelle on établit les jugements apparents de l'islam. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, yani, prononce le témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'il fait la salat, alors à ce moment-là, on dit, ça c'est un musulman. Le cheikh dit, c'est possible que cette personne-là soit en réalité un munafiq, un hypocrite. Hein? Parce que les hypocrites, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient la salat, ils faisaient le jeûne, ils faisaient le djihad, hein? Ils s'héritaient, hein? ils héritaient des musulmans, et les musulmans héritaient d'eux, malgré que c'était des munafiqin. Et les munafiqin sont des kuffars, et même que leur mécréance, elle est plus grande que la mécréance des kuffars qui sont apparents dans leur mécréance. Et la preuve de ça, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le verset 145 dans Surat An-Nisa, certes, les hypocrites sont dans le degré le niveau le plus bas de l'enfer, hein, les profondeurs les plus basses de l'enfer. Et donc, malgré que ces gens-là montrent qu'ils sont dans l'islam et qu'ils pratiquent l'islam, hein, on agit avec eux selon ce qui est apparent à leur sujet. C'est-à-dire, on ne va pas les tuer, on ne va pas les combattre, on ne va pas rendre licite leur sang, on ne va pas les priver de l'héritage. Hein, ils vont hériter des musulmans et les musulmans vont hériter d'eux. Ils vont également épouser des femmes musulmanes, hein, et on les marie. Hein, on les marie. Si c'est des femmes hypocrites, on les marie avec des hommes musulmans. Parce qu'on les juge par ce qui est apparent, malgré que dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Hein? Mais, yani, c'est-à-dire, on se base sur quoi? On se base sur ce qui est apparent. Et personne ne peut savoir la vérité de l'état des cœurs des hommes lorsqu'ils disent qu'ils sont musulmans, lorsqu'ils font le témoignage, lorsqu'ils pratiquent la salat. Quand quelqu'un, par exemple, tu le vois à la mosquée en train de prier, est-ce que tu peux savoir si c'est un vrai croyant ou si c'est un munafiq? Non, tu ne peux pas savoir. Peut-être c'est un munafiq. Peut-être que dans son cœur, il ne croit pas, il fait semblant. Hein? Peut-être que yani, il fait ça juste pour montrer, pas pour Allah. Mais tu ne le sais pas. Peut-être qu'il le fait vraiment pour Allah. Peut-être qu'il est un vrai croyant aussi. Donc, qui est-ce qui sait ça? C'est Allah seulement. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne par rapport à ça? Il nous ordonne de juger selon ce qui est apparent et ce qui est visible. En ce qui concerne le cachet et l'intérieur, et ce qui est dans le cœur, et la réalité de l'état de la personne, eh bien ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper et qui va le juger au jour de la résurrection. Ce n'est pas à nous de rentrer dans les cœurs des hommes. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné cet esclave, et qu'il a dit que c'était une croyante. Il n'a pas dit ça pour dire, par exemple, que c'était une grande croyante et que sa foi était plus grande que la foi d'Abu Bakr et Omar ou équivalente à la foi d'Abu Bakr et Omar. Non. Il mentionne que cette femme, elle est croyante dans le sens que elle est dans l'islam et son islam est apparent. Elle est croyante dans le sens que en apparence, on juge de son islam, dans ce sens-là. mais non pas pour désigner cette femme-là comme étant une femme qui a un degré élevé dans la foi. Hein? Comme le verset dans Sourate Al-Hujurat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qalat al-A'rabu amanna. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru, hein, mais dites plutôt, nous nous sommes convertis à l'islam, nous nous sommes soumis, hein, à Allah. Parce que la foi n'est pas encore complètement rentrée dans votre cœur. Hein, vous n'avez pas encore été éprouvé dans votre foi de manière à établir que vous êtes réellement des croyants et que votre foi est forte et que vous êtes vraiment sincère. C'est ça là, en fait, c'est dans ce sens-là. Donc c'était pas pour nier qu'ils sont croyants, ils sont croyants, hein, ils ont accepté l'islam, mais leur foi n'est pas atteint encore, n'a pas encore atteint ce degré ou ce niveau pour qu'ils puissent dire qu'on est croyant dans ce sens-là. Et le cheikh il dit ensuite: ولكن المرجئة الكراميه استدلوا بهذا الحديث على ان الايمان هو القول فقط قالوا نطقت بالايمان فقالت ان الله في السماء وشهدت ان محمدا رسول الله والعمل لا يوجد هنا والايمان القلبي ما عرفناه فهذا دليل على انها مؤمنه كامله الايمان وهذا ضلال لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية دل على ذلك آيات كثيرة ونصوص كثيرة وعليه أهل السنة والجماعة وهذا ما يمكن أن نقوله حول حديث الجارية ويؤكد الإمام الشافعي كرات ومرات منهجه في التمسك بالسنة وأخذ المصنف منه أن الشافعي من الأئمة الذين يؤمنون بعلو الله لأنه استشهد بهذا الحديث واستدل به ولو كان ممن ينكر علو الله وحاشاه من ذلك لم احتج به أو يحتج به ويقول أحتج به في هذه القضية ولكن لا أؤمن بالعلو وحاشاه من ذلك بل هو كما نقل عنه أو كما نقل عنه الحافظ ابن حجر وأظن ابن أبي حاتم أيضا يقول إن هؤلاء الذين ينكرون صفات الله عز وجل هؤلاء يبين لهم الحق وتقام عليهم الحجة فإن تابوا وأثبتوا لله الصفات فذاك وإلا يحكم عليهم بالكفر بعد قيام الحجة فهذا يؤكد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه من أئمة السنة في هذا الباب وفي غيره ولماذا قال في أهل الكلام يضربون بالجريد والنعال لأنهم عندهم هذه السفسطات التي توصلهم إلى إنكار الصفات أو إلى إنكار صفات الله وإنكار علوه وهنا يروي المؤلف رحمه الله بإسناد آخر عن شيخه الحاكم أبي عبد الله النيسابوري بإسناده إلى الشافعي رحمه الله أنه قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب قد ذهب. Donc on va traduire ce passage-là. Cheikh, il dit que les Mourji'a, et parmi les différentes sectes de Mourji'a, vous savez que les Mourji'a sont différents groupes. Et ça, on va en parler de toute façon parce que il y a une section dans les chapitres qui vont suivre au sujet justement de Al-Iman, c'est-à-dire la signification de la foi. Il y a un chapitre dans l'Aqida de l'imam As-Sabuni qui clarifie justement la réalité de Al-Iman selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc ça, on va en parler. D'accord? Mais en attendant, le Cheikh, il mentionne juste que parmi les sectes des Murji'a, il y a Al-Karramiyya. Hein? Donc, al-karramiya, c'est ceux qui disent que la foi, c'est la parole seulement, non les actions et non ce qui est dans le cœur. Donc, c'est une secte parmi les sectes des Murji'a qui a dévié au sujet de la foi. Et eux, parmi leurs preuves, les preuves qu'ils ramènent au sujet de cette question, pour établir ou pour supporter leur position, c'est le hadith justement qu'on vient de mentionner, le hadith de la fille esclave qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'on a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour établir que c'était une croyante. Il lui a dit: où est Allah? Elle a dit: Fissama, dans les cieux. Et ensuite, on lui a demandé: qui suis-je? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question: qui suis-je? Elle a dit: tu es le messager d'Allah. Et il a dit donc: c'est une croyante. Et les Murji'a, les Karramiyya, parmi les Murji'a, eux, ils utilisent ce hadith-là et ils disent: la preuve que qu'est-ce qu'on dit, c'est vrai, c'est-à-dire que la foi, c'est juste une parole et non les actions la croyance, c'est ce hadith-là. La preuve, c'est que il lui a posé les deux questions, elle a répondu. Et il a dit: c'est une croyante, alors qu'elle n'a fait aucune action. Ici, le cheikh, il dit: il n'y a pas d'action. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait encore aucune action, puisque elle n'avait pas encore vraiment pratiqué l'islam. Et il dit: wal-iman al-qalbi ma'arafnahu. Il dit: la foi du cœur, on ne l'a pas connue, parce que c'est caché. Donc il dit, ça c'est la preuve que yani, elle était croyante. Mais eux, ils comprennent du fait qu'ils disent, quand ils disent qu'elle est croyante, eux, ils comprennent quoi de ça? Ils comprennent qu'elle était croyante dans le sens que sa foi, elle est parfaite et complète. Qu'elle était une croyante dont la foi est complète. Et c'est ça l'égarement des Murji'a, en fait. C'est qu'ils ne réalisent pas ou n'acceptent pas que la foi, elle est en différents degrés pour différentes personnes, selon les actions et selon la connaissance de la personne et ses actions, sa pratique. Plus elle fait des bonnes œuvres et plus qu'elle s'éloigne des péchés, sa foi augmente. Et plus elle a moins gagné, plus elle fait des péchés, et plus elle néglige les obligations, et plus elle est ignorante de la religion, et bien plus sa foi diminue. Et eux, ils refusent d'accepter ça. Ils refusent d'accepter ça, et ils disent non. Ils disent: la foi, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est un seul degré, tout le monde a le même degré, et ça augmente pas, ça diminue pas, c'est fixe et c'est stable pour tout le monde. Ils disent que yani, c'est juste une parole. Du moment que tu dis cette parole-là, tu es croyant, peu importe les actions que tu fais pas, et peu importe également le fait que tu yani, aies la croyance dans ton cœur ou non. Allez, à la kulli hal, ça c'est de l'égarement. Et le cheikh, il dit ici que la foi, la vraie définition de la foi, c'est la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a, que la foi est une parole et une action et une croyance. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec les péchés. Et ça, c'est supporté par de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est la position sur laquelle se tiennent les gens de la Sunna et de la Jama'a. Et yani, ça, c'est ce qu'on peut dire autour du sujet de ce hadith, au sujet de cet esclave. Et il dit que l'imam al-Shafi'i, il a confirmé maintes et maintes fois et à maintes reprises sa méthodologie par rapport au fait de s'accrocher à la sunna. Et l'auteur, l'imam al-Sabouni, il a mentionné ici dans son livre la parole de l'imam al-Shafi'i. Et également la parole des imams et des autres imams, mais en particulier ici, il mentionne la parole de l'imam al-Shafi'i pour établir justement le fait que l'imam al-Shafi'i fait partie des imams des salafs qui ont affirmé et cru en le fait que Allah est élevé au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. C'est-à-dire, il est élevé au-dessus de son trône, hein, et il est au-dessus de toute sa création aussi. Donc, ça, c'est parmi les exemples de ça, et la preuve qu'il affirme cet attribut-là, c'est qu'il a mentionné comme preuve dans la question le hadith de l'esclave. Hein? Donc, si l'imam al-Shafi'i ne croyait pas en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de sa création, hein, et c'est pas quelque chose qu'on pense, hein, qu'il soit, yani, qu'on va dire, hachahu, yani, hachahu, min dhalik, c'est-à-dire, on penserait jamais une chose pareille à son sujet, hein, qu'il n'affirmerait pas ou qu'il nierait le fait que Allah est au-dessus de sa création. Mais s'il n'y aurait pas cru, ou s'il aurait rejeté cet attribut d'Allah, hein, le fait d'être au-dessus de la création, eh bien, il n'aurait pas mentionné ou cité ou utilisé comme argument et comme preuve le hadith de l'esclave. Et il aurait dit, par exemple, j'utilise ce hadith à ce sujet-là, non pas parce que je crois en l'élévation d'Allah, hein, et on ne pense pas ça du tout de l'imam Shafi'i, mais c'est juste un exemple. Hein, donc, il aurait dit, j'utilise pas le hadith pour supporter ça, mais je l'utilise seulement pour la question de, hein, l'expiation par rapport à la libération de l'esclave et ainsi de suite. Mais l'imam al-Shafi'i n'a jamais dit ça, et il n'aurait jamais dit ça justement, puisque l'imam al-Shafi'i, c'est un des imams parmi les imams des salafs, et il croyait en tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les affirmait et il défendait la position des salafs, et il réfutait les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la preuve de ça également, c'est ce que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a rapporté, de même que l'imam Ibn Abi Hatim, il dit, je pense, l'imam Ibn Abi Hatim également l'a mentionné. Hein? Et il dit que ceux qui nient les attributs d'Allah, hein, il dit que, yani, il faut leur clarifier la vérité, puis établir la preuve contre eux. Et s'il affirme les attributs et qu'il se repente à Allah, eh bien, tant mieux à ce moment-là. Ça, c'est ce qui est exigé de leur part. Toutefois, s'ils refusent d'affirmer les attributs d'Allah et continuent à nier après qu'on ait établi la preuve contre eux, eh bien, à ce moment-là, on va juger qu'ils sont dans le kofr et qu'ils ont quitté l'islam. Donc ça, c'est l'exemple de la position de l'imam al-Shafi'i sur ces questions-là. Et il dit que ça vient confirmer que l'imam al-Shafi'i, c'est un des imams parmi les imams de la sunna dans ce domaine-là et dans d'autres domaines de la religion, dans les autres domaines de la religion également. Et c'est pour cette raison-là que lorsque l'imam al-Shafi'i, par exemple, rahimahullah, il dit que les gens de Kalam, il faut les frapper avec des palmes et avec des feuilles de palme et avec des sandales, hein, et les faire circuler dans les villages pour puis les frapper pour dire aux gens, voici ce qui arrive aux gens qui s'éloignent du livre d'Allah et de la sunna. Pourquoi l'imam al-Shafi'i, il dit ce genre de choses? Eh bien, il dit c'est parce que ce sont des gens qui utilisent des sophismes, hein, c'est-à-dire des faux raisonnements pour opposer la révélation et ce qui a été rapporté de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'Allah et de sa religion. Et donc, c'est pour ça que, en se basant sur ces faux raisonnements-là, ils ont nié les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils ont nié que Allah, subhanahu wa ta'ala, était au-dessus de sa création. Donc, par conséquent, il a prescrit pour eux ce genre de punition. Ensuite, il dit le cheikh que l'auteur a rapporté également avec une chaîne de transmission jusqu'à son cheikh, hein, l'imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Naysaburi. C'était le cheikh de l'imam. C'est le cheikh de l'imam Al-Sabuni. Et il dit qu'il a rapporté donc de son cheikh, qui lui-même a rapporté cette parole de l'imam al-Shafi'i avec sa chaîne de transmission, que l'imam al-Shafi'i aurait dit, ou bien qu'il a dit réellement, donc, qu'il a dit, yani, si tu me vois dire une parole, et que il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le contraire de façon authentique, alors sache que ça veut dire que mon esprit, hein, elle est partie, j'ai perdu la raison. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu me vois, par exemple, que je vais dire quelque chose qui contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique, eh bien, ça veut dire que je suis devenu fou, que j'ai perdu la tête, j'ai plus ma raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam al-Shafi'i, il ne va jamais contredire le hadith, peu importe. Et c'est une parole même qui est célèbre de la part de l'imam al-Shafi'i et d'autres également parmi les imams. Et le cheikh, il va le mentionner. « Iza sahha al-hadith fa huwa madhhabi. » Si le hadith est authentique, c'est mon madhhab, c'est-à-dire c'est ma position. Le cheikh, il dit ensuite ici, il dit « Wa hadha يؤكد أن الشافعي رحمه الله يرى أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به ولهذا قال وإذا لم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب لأن هذا من الجنون والعياذ بالله فمثلا الذي يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون قد يخالفها جهلا منه يعني ما بلغته فهذا يعذر وإن كان من كبار العلماء ولكن الحافظ ما أحاط بها أحد لأن السنة ما أحاط بها أحد ومن هنا يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني وهذا يقوله احتياطا لما لم يبلغه من الأحاديث لأنه لم تبلغه كل الأحاديث فقد يفوته بعض الأحاديث أو يقف على حديث إسناده ضعيف والإسناد الضعيف لا يحتج به ولا سيما في الحلال والحرام فيعلق الأمر على الصحة فإن كان الحديث صحيحا فلا يمكن أن يخالفه الشافعي إذا بلغه فإذا خالفه فليشهد عليه الناس أن عقله قد ذهب ومعنى هذا أن من عنده عقل وإيمان صادق لا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفها إلا سخيف العقل أو مجنون والعياذ بالله ويكون متبعا لهواه لأنه إذا خالف الحديث الصحيح اتبع الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Donc le cheikh il explique ici, il dit que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, on peut confirmer ici que quand il voit un hadith qui est authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien pour lui c'est considéré comme obligatoire de prendre ce hadith-là. Et c'est pour cette raison que s'il ne le prend pas, eh bien, ça veut dire qu'il a perdu la tête. Donc, c'est comme s'il disait, si vous voyez que je ne prends pas un hadith authentique, hein, eh bien, considérez que j'ai perdu la tête. C'est-à-dire que c'est de la folie. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie de la folie de repousser ou de refuser le hadith authentique. Wal'iyadhu billah. Et il dit... Et effectivement, celui qui fait exprès pour contredire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est un fou. Hein? Il a perdu la tête. Peut-être qu'il pourrait, par ignorance, contredire le hadith. C'est-à-dire que il serait excusé de d'avoir contredit le hadith par ignorance, parce que le hadith ne lui était pas parvenu. Pourquoi? Il dit parce que la sunna, personne ne peut dire qu'il avait complètement la connaissance de tous les hadiths qui existent, surtout à cette époque-là. À cette époque-là, ce n'était pas encore rassemblé, si on veut. Tous les hadiths n'étaient pas nécessairement tous rassemblés ou recueillis, puisque les savants étaient dispersés dans différentes villes et que les grands recueils de hadiths n'avaient pas encore été rassemblés. Donc, il y avait une excuse pour eux à cette époque-là, pour ces savants-là, de ne pas connaître un certain hadith. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit que peu importe la grandeur des savants, ils ne peuvent pas connaître à eux seuls toute la sunna. Et donc, c'est pour cette raison que l'imam al-Shafi'i, il dit, comme beaucoup d'autres imams également, « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي » C'est-à-dire, si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Pourquoi il dit ça? Il dit ça, yani, par précaution, pour éviter qu'il rejette quelque chose ou qu'on rejette quelque chose qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ignorait. Donc, on dit, ok, peut-être qu'il y a des hadiths que j'ignore, et donc si j'ai une position sur un sujet, parce que j'étais justement en train de juger uniquement selon ce que je connaissais, maintenant, vous avez vu un hadith autre que je ne connaissais pas et qui contredit ce que j'ai dit, alors dans ce cas-là, si vous trouvez ce hadith-là, eh bien, prenez-le. Et laissez tomber ce que j'ai dit. Laissez tomber ce que j'ai dit. C'est ça la signification ici de ce que l'imam al-Shafi'i il mentionne, ainsi que les autres imams de l'islam. Il dit, et également c'est possible que le hadith, donc on a dit, c'est possible que le hadith ne lui était pas parvenu, et c'est possible également que le hadith lui ait été parvenu. Mais la façon dont il lui est parvenu ce hadith, il était faible. La chaîne de transmission par laquelle on lui a transmis, elle était faible. Alors, il n'a pas pris ce hadith-là. C'est-à-dire, il n'a pas jugé selon ce hadith-là. Pourquoi? Parce qu'on lui a transmis d'une transmission ou par une chaîne de transmission qui n'est pas authentique. Donc, le hadith qui n'est pas authentique, il n'est pas considéré comme une preuve dans qu'est-ce qui est halal ou haram ou des choses qui ont rapport avec ça. Donc, la condition que les ulama vont mentionner dans ce cas-là, c'est on va raccrocher une condition au hadith, c'est-à-dire à condition que le hadith soit authentique. Donc, des fois, tu vas entendre certains ulama qui disent ça. Quand ils parlent d'un sujet, ils vont dire, si le hadith en question est authentique, alors ça, c'est la position que j'adopte et c'est la position correcte. Mais sinon, je dis telle position ou je prends telle position. Pourquoi? Parce que il n'a pas la certitude que le hadith est authentique. Donc, quand il trouve un hadith et que le hadith lui a été transmis, mais de manière qui n'est pas authentique, il ne va pas le prendre. Tandis qu'un autre savant, lui, l'a trouvé ce hadith-là, on lui a transmis, mais par une chaîne qui est authentique. Et donc, par conséquent, ce savant-là l'a utilisé. Il a utilisé ce hadith-là comme preuve. Et donc, dans ce cas-là, si, par exemple, quelqu'un qui est shafi'i dans son madhab, il contredit le hadith parce qu'il a trouvé que l'imam shafi'i avait jugé autrement, eh bien, il doit se rappeler que l'imam shafi'i lui-même a dit que le hadith authentique, c'est ça son madhab. Donc, laisse tomber la position de l'imam al-Shafi'i et reviens à la position de l'imam, la vraie position de l'imam al-Shafi'i, qui est de suivre le hadith. En réalité, tu contredis. C'est pas comme si en réalité tu opposais la position de l'imam al-Shafi'i. Non. En réalité, ici, tu respecte justement la position de l'imam al-Shafi'i parce que tu prends le hadith et il l'a dit lui-même. Si le hadith est authentique, c'est mon madhab. Donc, ça c'est important de le comprendre. Il dit وَإِذَا خَالَفَهُ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ أَنَّ عَقْلَهُ قَدْ ذَهَبَ. Donc, il dit, c'est pas possible que l'imam al-Shafi'i contredise le hadith authentique, mais si jamais il l'aurait contredit, alors soyez témoin qu'il il a perdu la raison. Et donc, le cheikh dit, la signification de ça, c'est que quiconque a la raison et la foi sincère, eh bien, il ne peut pas contredire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, c'est ça, celui qui a une raison et qui a une foi sincère, il ne veut pas contredire la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est seulement une personne qui est faible d'esprit ou qui est folle qui va contredire volontairement le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ça veut dire que c'est une personne qui suit sa passion. Et le cheikh il dit, pourquoi? Parce qu'il a suivi. Celui qui ne suit pas le hadith, il suit quoi en réalité? S'il ne suit pas le hadith authentique, il suit quoi alors en réalité? Eh bien, il suit sa passion. C'est ça la vérité. Il suit sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans Surat Al-Qasas, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. C'est-à-dire, qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah. Naam. طيب. Après le cheikh il dit طبعا للأئمة خلافات لبعض الأحاديث الصحيحة ولكن ليس ذلك منهم تعمدا ومن ظن أن عالما من أئمة الإسلام المعتبرين عند الأمة ومنهم قدم الصدق في الإسلام أو في اعتقاد أو اعتقاد فيهم أنهم يتعمدون مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا قد أساء إلى الإسلام وإلى المسلمين لا يجوز أن يظن بهم هذا ولهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه القضية كتابا سماه رفع الملام عن أئمة الإسلام. Il dit وَجَاءَ فِيهِ بِأَعْذَارٍ لِلْأَئِمَّةِ فِي الْأَحَادِثَ الَّتِي خَالَفُوهَا فَمِمَّا اعْتَذَرَ لَهُمْ بِهِ يعني أنه إما أنها لم تبلغهم أو أنها بلغتهم من طريق ضعيف أو لم يدرك دلالتها أو لم يدرك دلالتها على الحكم الذي خالفه أو شيئا من هذا يعني وجاء بحوالي 10 أعذار لهم وهذا كله انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فهذا في المجتهد المخلص الصادق أو المتبع لهواه فهذا في المجتهد المخلص الصادق وأما المتبع لهواه فهذا إنما يتبع هواه ولهذا يجب أن نفرق بين أئمة السنة المشهود لهم بالسنة والأئمة والإمامة في الدين وبين أهل الأهواء أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة والأئمة الأعلام الراسخون في العلم يعني المجتهدون بحق هؤلاء لا يخالفون ولا يتعمدون مخالفة نصوص الكتاب والسنة رحمهم الله. Donc le cheikh il explique que bien entendu les imams ils ont parfois contredit certains hadiths authentiques. Il dit, toutefois, ils n'ont pas fait ça intentionnellement. Hein, et donc, on n'a pas le droit de penser à propos d'un imam parmi les imams de l'islam que il fait ça intentionnellement, c'est-à-dire surtout s'ils ont un pied c'est-à-dire dans l'islam et ils ont été sincères dans la religion, ils ont travaillé et servi la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup d'efforts et ils ont fait beaucoup de bien pour la religion d'Allah. Donc, ou bien si on croit par exemple que c'est des gens, c'est-à-dire, il dit, celui qui pense à propos des imams que, ils contredisent volontairement la sunna du messager d'Allah, il dit, il fait du tort à l'islam et aux musulmans dans ce cas-là. Et il a mal agi, il a été impoli envers l'islam et les musulmans. Et ça, c'est pas permis de penser ce genre de pensée au sujet des imams de la religion. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a même écrit un livre dans ce sujet pour excuser les imams de l'islam pour les positions qu'ils ont eues, dans lesquelles ils se sont trompés ou dans lesquelles ils ont contredit les textes, le Coran ou la Sunna. Et il dit le cheikh que parmi les arguments qu'il a mentionnés dans son livre par rapport aux excuses qu'il a ramenées pour les imams, pour expliquer pourquoi il aurait contredit par exemple des hadiths ou certains hadiths sans faire exprès, eh bien justement il a mentionné comme excuse que peut-être qu'il n'avait pas le hadith en question ne leur était pas parvenu. Ou que le hadith leur était parvenu, mais que c'était pas d'une voix qui était authentique. Ou bien ils n'ont pas saisi, par exemple, l'argument dans le hadith qui supportait le jugement qu'ils ont contredit, par exemple. Ou quelque chose de ce genre. Donc il a mentionné environ une dizaine d'excuses pour les imams. Dans leur divergence ou dans leur différence par rapport à l'ijtihad qu'ils ont fait sur un hadith en question. Et tout ça s'est tiré justement, et ça vient en partie de la compréhension du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qui dit justement que lorsque le juge fait un jugement, eh bien, s'il a la bonne position, ou s'il atteint la réponse qui est bonne, alors il aura deux récompenses, mais s'il fait un effort et qu'il se trompe, alors il aura une seule récompense au lieu de deux. Et la raison de ça, c'est parce que, il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Donc, il a tout de même une récompense. Et il ne va pas être puni de son erreur parce qu'il n'a pas fait intentionnellement cette erreur-là. Et il dit que ça c'est bien entendu pour le mujtahid, le savant mujtahid qui est sincère, qui est sincère, qui est véridique. Tandis que celui qui suit sa passion, eh bien il ne fait que suivre sa passion. Et donc il dit, il est donc obligatoire de distinguer entre les gens qui sont à la tête, de la sunna, qui sont des imams dans la sunna, et que les imams de l'islam ont témoigné à leur sujet qu'ils étaient des imams dans la religion, et dans la sunna. Et il faut distinguer ceux-là des gens de la passion, les gens de bid'a, qui contredisent la sunna intentionnellement. Donc ça c'est un point important aussi. C'est-à-dire que des fois, quand on regarde, par exemple, dans les positions des différents savants, on peut trouver que certains d'entre eux, ils ont des erreurs ou qu'ils se sont trompés sur certains sujets. Et ça, c'est des erreurs. Donc, il y en a qui utilisent ces erreurs-là pour essayer de justifier d'autres erreurs. Donc, ils vont dire, par exemple, oh, regardez, tel savant, il a dit ça à ce sujet-là, alors que d'autres savants ont dit autre chose. Donc ça, c'est la preuve que on a le droit de diverger et qu'on a le droit d'avoir différentes opinions et qu'on a le droit de dire ce qu'on veut dans la religion. Et même que parfois, certains, tu vas voir qu'ils ont une opinion. Ils vont, par exemple, lire parmi les paroles des ulama, ils vont regarder les divergences Et s'il trouve, par exemple, trois ou quatre positions différentes, eh bien, ils vont dire, oh, on va prendre la position qui nous convient le mieux, hein, ou la position qui nous plaît. Et le cheikh, hein, il a parlé à ce sujet dans plusieurs occasions, et il y a d'autres lamas aussi qui ont parlé de ce sujet-là, et que ça, c'est vraiment dangereux d'agir de cette manière-là. Et que ce n'est pas de cette façon qu'il faut trancher par rapport à ces sujets-là, mais plutôt, hein, il faut revenir aux preuves. D'accord? Il faut revenir aux preuves et chercher la vérité par rapport à ces questions-là, de qu'est-ce qui est plus près, hein, supporté par les preuves et qui est plus près de la vérité, et non pas selon nos désirs et qu'est-ce qui est en accord avec nos désirs. Donc, par rapport à cette question-là, ici, le cheikh, il explique que, donc, il y a une différence entre ces deux catégories-là. Les savants de la sunna, qui peuvent parfois se tromper, mais les savants de l'islam ont tous été d'accord pour dire que ce sont des imams et qu'ils sont des références dans la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Hein? Quand ils se trompent, mais... Yani, premièrement, on ne va pas les suivre dans leurs erreurs. On n'a pas le droit de les suivre dans leurs erreurs si on sait qu'ils sont dans l'erreur. Et en même temps aussi, ils n'ont pas fait exprès. Ce n'était pas volontaire. Tandis que les gens de la passion, eux, eh bien, c'est par exprès qu'ils ont contredit le Coran et la Sunna. Parce qu'ils cherchent non pas à se soumettre au texte, mais plutôt le contraire. C'est-à-dire, ils cherchent à essayer de déformer les textes pour les rendre en accord avec leur passion. Et c'est là que tu vois la différence entre les savants de la sunna, ceux qui s'accrochent à la sunna et qui se soumettent à la révélation, et les gens de la passion qui veulent, au contraire, ne pas se soumettre à la révélation, mais faire soumettre la révélation à leur passion. Allah al-Musta'an. Et c'est ça qu'on entend à notre époque maintenant, souvent de la part de certains, qui disent par exemple, oh, il faut faire une relecture des textes. Hein? Et on l'entend de la part des hommes et de la part de certaines femmes, hein, qui suivent leur passion, qui ont été éblouies par les idéologies des koufars et de leur mode de vie. Dans les idéologies modernes qu'ils ont là, hein? Ils ont dit, ah oui, l'égalité, la liberté, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut relire le Coran et relire la Sunna pour les réinterpréter à la lumière de qu'est-ce qui se passe actuellement, de nos nouvelles façons de voir le monde, hein? C'est-à-dire, étant donné que aujourd'hui les koufars, ils ont découvert plein de trucs, hein, dans les affaires de la technologie puis de la science. Donc ça veut dire que maintenant on n'a plus besoin de la religion. Hein. Il y a des koufars qui pensent comme ça. Ils disent, maintenant la religion ça sert plus à rien. À la limite peut-être c'est pour consoler les âmes qui sont un peu troublées ou qui ont des qui sont angoissées. Comme Karl Marx qui disait que la religion, c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple. Hein? L'opium, pourquoi? Pourquoi les gens prennent de l'opium, hein? Ou une drogue? Pourquoi ils prennent de la drogue, les gens? Pour oublier leurs soucis, pour oublier leurs angoisses, leurs tracas, ou la misère dans laquelle ils sont. Donc, ils prennent de la drogue pour rêver. Ou yani, se créer une illusion. Et donc, il compare la religion à une drogue, hein, dans ce sens-là. En voulant dire comme si... Hein, comme qu'est-ce que les koufars ont comme mentalité, c'est ça, c'est que la religion, c'est pour, en fait, faire en sorte que les gens acceptent leur situation dans laquelle ils sont, puis qu'ils ne disent rien, hein, et qu'ils ne fassent rien pour changer leur état, puis qu'ils vont avoir dans l'au-delà, hein, une récompense, et ils vont Allah va leur donner le paradis. Donc, Karl Marx, c'est comme ça qu'il explique. Et il y a beaucoup d'autres koufars qui disent les choses de cette façon-là pour essayer de dénigrer la religion ou essayer de montrer que finalement, la religion, c'est juste comme un bombe hein, qu'on met sur une plaie. Et la vérité, en fait, c'est que c'est clair que ces gens-là, ils n'ont rien compris de la religion. Et ils n'ont rien su de la réalité de ce que signifie la religion. Puisque s'ils auraient compris la religion, ils auraient compris hein, que, premièrement, leurs idées sont fausses. Et ils auraient su aussi également que la religion, ce n'est pas une drogue. Au contraire, la religion, elle interdit la drogue. Yani, le Coran et la Sunna interdit l'opium et les autres drogues. Hein, que ce soit la cocaïne ou les autres drogues comme la marijuana que les koufars maintenant ils rendent légale. Hein. Pourquoi ils rendent légale la religion hein, ou bien pas, ils interdisent la religion puis ils rendent légale les drogues. Allah al-musta'an. Donc c'est pour dire pour eux que yani, la religion c'est plus nécessaire maintenant parce qu'ils ont trouvé des drogues. Ils ont trouvé des nouvelles drogues. A'ouzoubillah. Donc, tout ça pour dire, yani, l'islam interdit les drogues. Hein? Pourquoi? Parce que la drogue, elle affecte la raison de la personne. Et pour que quelqu'un puisse adorer Allah et pour qu'il puisse vivre une vie hein, droite et bien, une bonne vie, il faut qu'il ait toute sa raison, qu'il ait toute sa tête. Hein, pour être capable justement de comprendre les signes que Allah a créés dans la création, pour qu'il puisse justement comprendre hein, les signes qu'il a révélés dans les livres par ses messagers, pour qu'il puisse hein, être une personne équilibrée et droite dans sa vie, dans son comportement, dans son jugement, dans sa façon d'agir. Il faut qu'il laisse toute sa tête, hein? Et c'est pour cette raison-là qu'une personne qui est déficiente intellectuellement hein, en islam, elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Si elle a un problème psychologique ou un handicap mental, hein, elle n'est pas jugée pour qu'est-ce qu'elle fait. Donc si quelqu'un à qui Allah a donné la raison, il se détruit sa raison avec des drogues, hein, il n'y a pas de doute que cette personne-là, elle commet un grand crime contre elle-même. Et donc, celui qui a compris la réalité de l'islam, hein, il voit à quel point cette religion-là, elle est grande. Et que l'islam, ce n'est pas comme, par exemple, la religion chrétienne ou la religion juive ou les religions des mouchriquines et des koufars qui appellent les gens à suivre aveuglément des êtres humains sans savoir si ce qu'ils disent ou ce qu'ils enseignent est en accord avec ce que Allah a révélé. Hein? Parce que c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les juifs et les chrétiens dans le Coran. Il a dit « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Parce qu'ils rendent halal ce qui est haram et qu'ils rendent haram, ils rendent haram ce qui est halal et les gens les suivent dans ça comme si c'était eux qui décident et non Allah. Alors le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui jouent avec la religion des gens et c'est eux qui les manipulent pour décider comment ils vont vivre. Hein? Et bien entendu, comme Allah il les a décrits également, yani, qu'ils consument de façon injuste les biens des gens. Ils consument de manière injuste les biens des gens. Et ça, c'est connu à travers l'histoire, que ces gens-là, les rabbins et les moines, ils s'enrichissent sur le dos des pauvres et sur le dos des gens. Et l'islam hein, a enseigné de lutter contre le shirk et le kufr, hein. Et donc ça, c'est des principes qui sont clairs dans le Coran et il n'y a pas d'état. Hein, quand je dis l'état, c'est-à-dire il n'y a pas de situation dans laquelle un être humain, yani, quand il vit dans une situation où on l'opprime, où on l'écrase, que par exemple, on doit dire, tu dois être satisfait de cette situation-là. Non. Hein? Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la délivrance, et puis tu demandes également yani à tes frères, hein, et à ceux qui ont l'autorité de faire ce qu'ils doivent faire comme réforme pour essayer d'arranger la situation. Naam, naam, la nasiha, ad-dinu nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Mais, à la kulli hal, tout ça pour dire, yani, que ça, c'est un élément qui est important. Le musulman, il ne va pas contredire le Coran et la Sunna intentionnellement. Et il cite à ce sujet-là, justement, le cheikh, une parole de l'imam al-Shafi'i. Il dit, « وَهَذَا رَجُلٌ يَسْأَلُ الشَّافِعِي قال المؤلف رحمه الله قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعة يعني ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا إلا كافر أو ضال تراني في بيعة أو في بيعة أو كنيسة يعني البيعة أو البيعة معبد اليهود والكنيسة معبد النصارى وقيل العكس يعني هل عندك دليل على أني يهودي أني أتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني في بيعة أو في كنيسة وقلت هذا الكلام لكنت يعني أعذرك لأنني لست مسلما أما وأنا مسلم وفي مسجد من مساجد المسلمين وأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح الحديث عندي ثم تظن أني لا أقول به فلا أعذرك لأن هذا لا يصدر من مسلم وأنت عندك قرائن أنني مسلم ولهذا قال تراني علي زي الكفار وهو هذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين ما علي زي النصارى أو اليهود مستقبل قبلتهم هذه قرائن وأدلة على أني مسلم وأني أحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعك أن تسألني هذا السؤال هذا سؤال سيء وكثير من الأسئلة السيئة يجب أن يتجنبها المسلم كيف تشك في هذا الإمام يبلغه الحديث الصحيح ثم تقول له أتأخذ به سؤال خبيث والعياذ بالله ولهذا اشتد الشافعي في الإجابة على هذا السؤال السخيف السفيه وقال هذا الكلام تراني في بيعة أو كنيسة ترى أي زي ترى بارك الله فيكم نراكم إن شاء الله لهذا ترى يعني ترى علي زي الكفار يعني هو هذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين ومستقبل قبلتهم يعني هذا دليل على أني مسلم وأنا راض بالإسلام وأنا متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأحترم سنته السلام عليكم ورحمة الله وهنا يقول المعلق أن هذا الأثر ضعيف من هذا الطريق لأن الراوي هنا يقول حدثت عن الزعفراني ففيه راو مبهم لا يذكر في الإسناد وهو المحدث عن الزعفراني وبعضهم يقول عن هذا الإسناد ونحوه فيه راو ساقط وهذا ليس بصواب. نبه العراقي على أن مثل هذه الصيغة ما يقال فيها سقط، وإنما يقال فيها إبهام، يعني قوله حدثت تدل على أن هناك محدثا حدث لكنه مبهم. هذه فائدة حديثية، ولكن ليس لهذا الأثر طرق في معناه تدل على ثبوته. والإمام الصابوني رحمه الله يسوق هذه النصوص عن الإمام الشافعي رحمه الله لإقناع الشباب والطلاب بأن هذا منهج حق وعليه أئمة الإسلام، ولأنه ممن يجل الإمام الشافعي ويعرف أن له منزلة عند المسلمين. Donc ce passage là il est bien il est bien intéressant, bien important. Il dit le cheikh que cet homme, il y a un homme qui est venu voir l'imam al-Shafi'i. Et l'auteur, l'imam al-Sabouni, il a mentionné cette narration-là. Selon al-Za'farani, il dit que l'imam al-Shafi'i a rapporté un hadith. Un jour, il a rapporté un hadith et quelqu'un lui a posé la question à l'imam al-Shafi'i. « Oh, Abu Abdullah, est-ce que toi, tu dis cette position-là qui est mentionnée dans ce hadith ?» C'est-à-dire, est-ce que ce qui est mentionné dans ce hadith-là, toi, tu le prends comme ta position ? Alors, l'imam al-Shafi'i, il a été fâché un peu par cette question-là. Il n'a pas aimé. Et il lui a répondu un peu durement pour lui faire comprendre que sa question, elle est déplacée. Il lui a dit, « Est-ce que tu me vois dans une synagogue ?» C'est-à-dire, tu penses que je vais contredire la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intentionnellement, parce qu'il n'y a personne qui va contredire intentionnellement la parole du messager d'Allah, excepté un kafir ou un égaré. Comme certains égarés à notre époque, Allah al-Musta'an. Tu leur poses des questions, tu leur dis des choses de la religion, ils disent, subhanallah, ma culture, elle passe devant le Coran et la Sunna. Ou bien, les lois de la République passent devant le Coran et la Sunna. A'udhu billah, ça c'est du kufr, clair. Wal'iyadhu billah, c'est grave. Ou la République, ou la volonté du peuple passe devant le Coran et la Sunna. Non, la volonté de quel peuple ? La volonté d'Allah et la loi d'Allah, elle passe devant toutes les volontés de tous les peuples sur toute la terre. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment des gens, ils ont même pas de honte. Et donc ici, le cheikh, il explique et il dit, l'imam al-Shafi'i, il dit, est-ce que tu vois que je suis dans une synagogue? Je vais dire un hadith, puis je vais pas, c'est pas ma position. Est-ce que tu me vois dans une église? Est-ce que tu me vois dans une synagogue? Il dit que en arabe, al-bay'a, il dit c'est la synagogue, l'endroit où les juifs adorent. Et al-kanisa, c'est l'église, ils disent que c'est l'endroit où les chrétiens adorent. Et certains disent que c'est le contraire, mais à la kulli hal, yani, ça c'est qu'est-ce qui est connu. Et il dit ensuite, il dit donc, yani, est-ce que il dit le cheikh, il explique cette parole-là, il dit est-ce que ça veut dire est-ce que tu as une preuve pour me dire que moi, je contredis, pour justifier que je vais contredire la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, intentionnellement. C'est-à-dire, est-ce que tu me vois comme étant, par exemple, dans une synagogue ou dans une église? Parce que si j'étais dans une église ou dans une synagogue, là, tu aurais une excuse pour me dire que je ne suis pas musulman, puis que je vais contredire un hadith authentique, intentionnellement. Mais là, tu me vois, je suis musulman, dans une mosquée, parmi les mosquées, et je mentionne le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une parole qui est authentique pour moi, et toi, tu penses que je ne veux pas avoir cette position qui est mentionnée dans le hadith, donc je n'accepte pas ton excuse de dire ça. Il dit parce que ça ne peut pas être un agissement attribué à un musulman. De prendre un hadith authentique et de le contredire intentionnellement. Ça, c'est inacceptable pour un musulman. et tu as tous les indices qui prouvent que je suis un musulman. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, est-ce que tu me vois porter les vêtements des koufars? Est-ce que tu me... Il dit, donc, tu me vois dans une mosquée, la mosquée des musulmans, je porte les vêtements des musulmans. Hein? Je ne porte pas les habits des chrétiens ou les habits des juifs. Est-ce que tu me vois avec les vêtements des prêtres? Hein? Que ce soit des prêtres catholiques ou orthodoxes, hein? Ou protestants ou autres. Est-ce que tu me vois avec les vêtements des rabbins? Donc, il dit, je suis dans une mosquée, je porte les vêtements des musulmans et je me tourne vers la Qibla des musulmans. Je ne suis pas dans une synagogue, je ne suis pas dans une église, je ne suis pas avec les vêtements des juifs et des chrétiens. Je porte les vêtements des musulmans et je ne me tourne pas vers la Qibla des juifs ou des chrétiens. Je me tourne vers la Qibla d'Allah. Hein? Donc tout ça, c'est des indices qui montrent que je suis un musulman et que je respecte la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui t'amène à poser ce genre de questions? Et aussi, un autre sens par rapport à ça, par rapport à ce que l'imam Shafi a dit, c'est dans le sens aussi que ces juifs et ces chrétiens-là, c'est connu de leur part qu'ils contredisent les paroles de leurs prophètes et qu'ils contredisent les livres que Allah leur a révélés. C'est connu. Ils sont connus pour ça. De contredire les révélations qu'ils ont reçues. Même aujourd'hui, à l'époque, ils le faisaient, ils contredisaient leurs révélations. Et encore aujourd'hui, ils contredisent leurs révélations. Et encore plus qu'avant. Aujourd'hui, carrément, ils le rejettent, leurs révélations. C'est comme si leur religion, ils l'ont rejeté, ils l'ont renié complètement. Et ils veulent que les musulmans les imitent. Hein, ils le disent carrément. Ils disent, nous les chrétiens, les juifs, on a rejeté notre religion, maintenant on n'en a plus besoin. Hein, on est laïque. On n'a plus besoin de religion, on est laïque. La laïcité, ça a remplacé notre religion. En fait, c'est ça qu'ils veulent même. Ils veulent éliminer. Et ils le disent, hein, les laïcs, ils le disent. On veut éliminer Dieu de la société. On veut éliminer Dieu du cœur, enlever Dieu du cœur des gens et de l'esprit des gens pour que la société soit complètement laïque, c'est-à-dire les gens ils vont plus avoir de division entre eux par rapport à la religion. Ils vont plus se référer à la religion, ils vont se référer à des lois que les êtres humains ont fait. Et ça, c'est neutre. Ça veut dire c'est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Ça veut dire, c'est pas relié à aucune croyance ou à aucune foi, aucune religion. C'est nous-mêmes qu'on les a inventés, ces lois-là. Et donc, tout le monde doit les suivre, qu'ils soient d'accord ou non. Alors pourquoi dans ce cas-là, on met pas l'islam à la place? On met l'islam à la place de la laïcité, on établit l'islam. Et on dit, tout le monde doit obéir à la loi d'Allah, qu'il y croit ou qu'il y croit pas. Et chacun pratique sa religion de son côté, mais c'est la loi d'Allah et la religion d'Allah qui est au-dessus. Qu'est-ce que ça peut déranger dans ce cas-là? Si c'était une question de juste dire chacun fait ce qu'il veut. Non, ça fait aucun sens de mettre le faux au-dessus de la vérité puis de dire on va être neutre. Elle est où la neutralité quand tu mets le faux sur le vrai? Ça c'est une neutralité qui est perverse. C'est une neutralité qui est perverse parce que tu peux pas demander à quelqu'un d'être neutre entre la vérité et le faux. Parce que d'être neutre entre vrai et faux, ça veut dire que tu es pour le faux, même si tu le dis pas ouvertement. Si je te dis, Yali, est-ce que tu es d'accord avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les livres et les messagers et qu'il faut se soumettre à lui et se prosterner à Allah seulement et rejeter les idoles, tu dis non, je suis neutre. Je suis pas pour, je suis pas contre. Alors ça veut dire que tu es kafir. Tu peux pas être neutre par rapport à ça. Il faut que tu prennes une position, tu es obligé. Hein? Donc les koufars, ils veulent qu'on vive dans une situation, dans une société maintenant, où on prend pas de position, où on montre pas notre position. On en a une. Hein? Soit on en a pas, ou soit on en a une, mais on la cache. On la mentionne pas. Et ça équivaut à quoi, en réalité? Ça équivaut à ne pas en avoir du tout. Et ça, c'est grave. Et donc, l'imam chef, il dit, non, moi, je suis pas un juif, je suis pas un chrétien, je suis pas un prêtre ou un rabbin qui déforme la parole d'Allah et qui dit le contraire de ce qui est mentionné dans le livre, qui justifie que les moines et les rabbins soient des seigneurs en dehors d'Allah, ou qui veut que les savants de l'islam, hein, ceux qui veulent que les savants de l'islam deviennent des rabbins et des juifs, qui deviennent comme des seigneurs en dehors d'Allah, que les gens doivent obéir aveuglément. C'est ça que les koufars, ils essaient de créer maintenant. Parce qu'ils réalisent que, parce qu'il n'y a pas de, justement, de cette notion que les chrétiens et les juifs ont dans leur religion qui leur permet justement de manipuler les gens et de changer la religion à leur guise, ça n'existe pas en islam. Donc ils essaient de le créer parmi les musulmans. Pourquoi? Pour essayer par la suite de forcer les musulmans à s'égarer et à établir des hérésies, puis essayer de les rendre acceptables. Donc le cheikh, il dit ça, c'était une mauvaise question. Ça se pose pas. Est-ce que je prends la position du hadith? Ça se demande même pas. C'est obligatoire, hein, de dire ce qui est mentionné dans le hadith. Et le cheikh, il dit, donc ça, c'est une mauvaise question. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées par les gens. Et le musulman, il devrait s'éloigner de ce genre de questions-là. Parce que comment tu peux avoir un doute en l'imam, hein, comme un imam, comme l'imam al-Shafi'i, hein, quand le hadith authentique lui parvient et tu lui demandes, est-ce que tu prends ce hadith-là? C'est normal qu'il prenne le hadith. Donc c'est une question qui est mauvaise. Hein? C'est une question irrespectueuse. Wal'iyazu billah. Et c'est pour ça que l'imam al-Shafi'i a répondu avec cette dureté. Parce que c'est une question qui est stupide, hein? Qui est ridicule. Et donc il lui a dit, est-ce que tu me vois dans une église ou dans une synagogue? Tu vois que je porte les vêtements des koufars, les vêtements des prêtres et des moines, hein, ou des rabbins? Tu me vois dans une mosquée avec les vêtements des musulmans, je suis tourné vers la Qibla, et puis après tu me demandes cette question. Donc il dit, ça c'est la preuve que le musulman, hein, il dit le cheikh, ça c'est la preuve, je suis musulman, je suis satisfait de l'islam, et je suis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je respecte sa sunna. Et donc ça, c'est, hein, par rapport à cette question-là, c'est extrêmement important. Et ça, c'est pour nous montrer, yani, que pour les imams de l'islam, hein, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa et les grands imams des salafs, c'est inconcevable de vouloir contredire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Inconcevable, impossible. Hein? Tu leur donnes un hadith authentique, ils vont dire le contraire. Jamais, impossible. Pourquoi? Parce que c'est la parole du messager. Le messager, il ne parle pas selon sa passion. Donc c'est pour ça que les koufars, ils disent, à propos des musulmans, hein, qui suivent le Coran et la Sunna, c'est ça qui les dérange. Il y en a parfois, ils disent, ah, non, ça c'est pas dans le Coran. Ou bien, comme s'il y en a parfois, ils souhaitent que les musulmans ils se limitent juste à ce qui est dans le Coran. Et pourquoi ils ne sont pas satisfaits de ceux qui s'accrochent à la Sunna, hein? Et surtout les salafis, parce que les salafis, c'est eux qui s'accrochent à la Sunna. C'est eux les vrais défenseurs de la Sunna. Donc, quand ils trouvent ces gens-là, ils disent, ah, ça, c'est eux les intégristes, les islamistes, c'est eux les gens qui ils retournent à la sunna, c'est eux les dangereux. C'est eux les dangereux pour nous. Parce que eux, ils veulent pas accepter, hein, de changer l'islam. Ils veulent rester accrochés à l'islam tel qu'il était, tel qu'il a été amené par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été amené par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tel qu'il a été pratiqué et suivi par les sahaba et par les imams de l'islam à travers les siècles. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois, les ikhwan, yani subhanallah, ils contredisent pas seulement les hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de ça, ils vont même contredire les versets du Coran qui sont clairs et explicites. Et ils vont même contredire le consensus des musulmans, l'ijma'. Et après, ils disent, comme par exemple, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par exemple en France, quand ils veulent faire signer les musulmans ou faire signer aux imams une soi-disant charte de laïcité pour dire aux musulmans, aux imams musulmans, vous devez respecter, vous devez obéir ou respecter les lois de la République. Des choses de ce genre. Et c'est grave parce que franchement, subhanallah, ya Rab, même eux, les laïcs, c'est ceux-là même qui sont dans le parlement, là, qui sont dans leur système, les députés, les ministres, tous ces gens-là, même le président, lui-même, il n'obéit pas à toutes les lois qu'eux-mêmes, ils ont inventées. C'est-à-dire qu'ils inventent des lois, ils votent des lois, puis ils les contredisent eux-mêmes. Donc, si eux-mêmes, ils ne les respectent pas, pourquoi quand ils parlent de leurs lois, ils sont toujours en train de cibler les musulmans pour dire « Ah, vous ne respectez pas les lois. » Quoi, les laïcs, eux, ils respectent toutes les lois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laïcs qui contredisent les lois, les lois de la République? Vos lois que vous mentionnez, là? Les laïcs sont les premiers à ne pas avoir de respect pour ces lois-là. Parce que comment tu peux avoir de respect pour une loi? Tu sais que c'est un être humain comme toi qui l'a faite. C'est un être humain comme toi qui mange, qui boit, qui va aux toilettes. Subhanallah. Lui, il fait des lois et il te dit qu'est-ce que tu as le droit et qu'est-ce que tu n'as pas le droit. Comment tu peux avoir un respect pour une loi comme ça? À la limite, si cette loi-là, elle est en accord avec ce que Allah a révélé, tu dis oui. Mais quand elle est contraire, yani comment tu peux respecter ça, cette loi-là? Allah al-musta'an. Donc, tout ce qu'ils rendent halal de qu'est-ce qui est haram, de la perversité et de l'égarement, yani, voilà. C'est pour dire, yani, il y a beaucoup de musulmans maintenant, c'est ça, ils sont éprouvés. Ça, c'est une grosse fitna. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et c'est là qu'on va voir la vraie face de ces gens-là, les ikhwan et des hizbiyin. Vous allez voir maintenant comment eux, ils vont agir. Et vous allez comprendre que c'est des gens, en réalité, c'est des gens qui n'ont pas de respect pour quoi que ce soit du Coran et de la Sunna. Ils l'ont déjà prouvé. Le chef des frères musulmans, le chef suprême de la secte des frères musulmans, et les Ikhwan al-Muslimoun, il le dit lui-même qu'il est d'accord avec. Il dit non, c'est pas interdit pour que quelqu'un soit un athée ou qu'il soit musulman et qu'il quitte l'islam, qu'il veuille, par exemple, être homosexuel ou peu importe qu'est-ce qu'il veut être. Oui, c'est permis dans l'islam. Et il essaie même d'utiliser des versets pour essayer de justifier ça. C'est jusqu'à ce point-là qu'ils vont dans leurs égarements. Et ils disent, ouais, nous, on ne veut pas appliquer la charia. On est contre l'application de la charia. On ne veut pas l'application de la charia. On veut l'application de la loi civile. Et on veut un état civil. On ne veut pas un état religieux. Subhanallah. Donc ça c'est pour dire. L'imam al-Shafi'i, on lui pose la question sur un hadith. Regardez comment il répond par rapport à un hadith qu'il a mentionné. Il dit, vous pensez que je vais contredire le hadith? Est-ce que vous m'avez vu sortir d'une église ou d'une synagogue? Et regardez comment les ikhwan, eux, comment ils agissent par rapport à qu'est-ce qui est établi dans la religion d'Allah. Donc ça, c'est juste un exemple pour nous faire réfléchir. Après, le cheikh, il dit que cette narration-là, par rapport à la parole de l'imam al-Shafi'i, certains parmi les gens qui ont fait le tahqiq, ils ont mentionné qu'elle n'était pas authentique parce qu'il y a un narrateur qui est tombé ou qui est pas qui manque, hein, si on veut. Et le cheikh, il explique non, que c'est pas le bon terme. Et il clarifie certaines choses par rapport à cette question-là et cet aspect-là. Parmi les questions qui ont rapport avec justement les terminologies dans le hadith. Puis ensuite, il explique que cette parole de l'imam al-Shafi'i, elle a été rapportée par beaucoup d'autres voix également, qui fait qu'elle est authentique. Hein, elle est authentique. Et il clarifie en dernier aussi par la suite que l'imam al-Sabuni, donc il a beaucoup de respect pour l'imam al-Shafi'i. Et il cite donc cette parole pour convaincre les jeunes et les étudiants de cette méthodologie de vérité sur laquelle étaient les imams de l'islam. Hein? Et il fait partie des gens qui respectent énormément l'imam al-Shafi'i et qui connaissent son degré et le niveau qu'il a auprès des musulmans. C'est-à-dire qu'il respecte, hein, cet imam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.